plus c'est du comeback. The comeback on a Cowell and all the team. T'es sûr que c'est la nouvelle? On dirait la même que l'autre fois exactement. Non, ça n'a rien à voir. There's nothing to compare with the next one. The next one, it is un dimanche matin. Là, c'est Bali Ballo. Bali Ballo.